Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Enen hollu de ma pigi fiya andu ku honno gi ete. Enen hollu de ma pigi fiya andu ku honno gi ete. La clé. En hollu de ma chiabi. En hollu de ma chiabi. Le verre. En hollu de ma kasion. Dan hollu de ma kasi on. La montre. Dan hollu de ma montre on. Dan hollu de ma montre on. Les lunettes. Dan hollu de ma linetto. Dan hollu de ma linetto. Le téléphone. Il hollu de ma téléphone. Il hollu de ma téléphone. Le peigne. Il hollu de ma peigne. Il hollu de ma peigne. Les ciseaux. Il hollu de ma ciseaux. Le hollu de ma ciseaux. Le rasoir. Le hollu de ma rasoir. Le hollu de ma rasoir. L'enveloppe. Le hollu de ma enveloppe. Le hollu de ma enveloppe. Le crayon. Il hollu de ma crayon. Il hollu de ma crayon.